ou douvan douvan, ou là ou ka danse, hey, hey, hey, hey, hey, ou douvan douvan, ou là ou ka chante, hey, hey, hey, hey, hey, ou douvan douvan, ou là ou ka danse, hey, hey, hey, hey, hey, ou douvan douvan, ou là ou ka pale. Si loin là-bas, ah, ah, ah. Oula, ou douvan, douvan, oula, oula, ou ka danse, hey, hey, hey, hey, hey. Oula, ou douvan, douvan, oula, oula, ou ka chante, hey, hey, hey, hey, hey. Oula, ou douvan, douvan, oula, oula, ou ka danse, hey, hey, hey, hey, hey. Ou douvan douvan, ou là ou ka pale, hey, hey, hey, hey, hey. Les mots que tu chantes parfois se mêlent à l'amour. Tu peins au lever du jour tes nuits, tes amours. Hey, hey, hey.